Ah oui, monsieur et madame Kerménier, deux nuits en chambre double avec baignoire, et vue sur mer, ce soir et demain. Ouais, c'est ça.